Chapitre 19. Ce fut au troisième mois, après que les enfants d'Israël furent sortis d'Égypte, en ce jour, qu'ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ils étaient partis de Raphidim. Arrivés au désert de Sinaï, ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et le Seigneur l'appela du haut de la montagne en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous serez mon peuple particulier parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Telles sont les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, selon que le Seigneur le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce qu'a dit le Seigneur. Moïse alla porter au Seigneur les paroles du peuple, et le Seigneur dit à Moïse: Voici, je vais venir à toi dans une nuée épaisse, afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'en toi aussi il ait foi à jamais. Et Moïse rapporta au Seigneur les paroles du peuple. Et le Seigneur dit à Moïse: Va vers le peuple, et sanctifie-les aujourd'hui et demain, et qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour. Car le troisième jour le Seigneur descendra, aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Tu fixeras au peuple une limite à l'entour, en disant: Gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera mis à mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera ou on le percera de flèches. Bête ou homme, il ne doit pas vivre. Quand la trompette sonnera, ils monteront sur la montagne. Moïse descendit de la montagne vers le peuple. Il sanctifia le peuple, et ils lavèrent leurs vêtements. Puis il dit au peuple: Soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une nuée épaisse sur la montagne, et un son de trompe très fort. Et tout le peuple qui était dans le camp trembla. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se tinrent au pied de la montagne. La montagne de Sinaï était toute fumante, parce que le Seigneur y était descendu au milieu du feu. Et la fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fortement. Le son de la trompe devenait de plus en plus fort. Moïse parla, et Dieu lui répondit par une voix. Le Seigneur descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne, et le Seigneur appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Le Seigneur dit à Moïse: Descends et défends expressément au peuple de rompre les barrières vers le Seigneur pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que même les prêtres, qui s'approchent du Seigneur, se sanctifient, de peur que le Seigneur ne les frappe de mort. Moïse dit au Seigneur: Le peuple ne pourra pas monter sur la montagne de Sinaï, puisque vous nous en avez fait la défense expresse, en disant: Pose des limites autour de la montagne et sanctifie-la. Le Seigneur lui dit: Va, descends, tu remonteras ensuite avec Aaron. Mais que les prêtres et le peuple ne rompent point la barrière pour monter vers le Seigneur, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Chapitre 20. Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur la troisième et sur la quatrième génération pour ceux qui me haïssent, et faisant miséricorde jusqu'à 1000 générations pour ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est un sabbat consacré au Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car pendant 6 jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui appartient à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes et la montagne fumante. À ce spectacle, ils tremblaient et se tenaient à distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse répondit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et pour que sa crainte vous soit présente, afin que vous ne péchiez pas. » Et le peuple resta à distance. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Et le Seigneur dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » Vous avez vu que je vous ai parlé du ciel. Vous ne ferez point à côté de moi de dieu d'argent, et vous ne ferez point de dieu d'or. Tu m'élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices pacifiques, tes brebis et tes bœufs. Dans tous les lieux où j'aurai fait souvenir de mon nom, je viendrai vers toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le construiras point en pierre taillée, car, en levant ton ciseau sur la pierre, tu la rendrais profane. Tu ne monteras point par des degrés à mon autel, afin que ta nudité n'y soit pas découverte. Chapitre 21. Voici les lois que tu leur donneras. Quand tu achèteras un serviteur hébreu, il servira 6 années. La 7e, il sortira libre, sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Mais si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'elle lui ait enfanté des fils et des filles, la femme et ses enfants appartiendront à son maître, et il sortira seul. Si le serviteur dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu. Puis, l'ayant fait approcher de la porte ou du poteau, son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et le serviteur sera pour toujours à son service. Lorsqu'un homme aura vendu sa fille pour être servante, elle ne sortira point comme sortent les serviteurs. Si elle déplaît à son maître, qui se l'était destiné, il permettra qu'on la rachète. Mais il ne pourra pas la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle. S'il la destine à son fils, il la traitera selon le droit des filles. Et s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première pour la nourriture, le vêtement et le couvert. Et s'il ne fait pas pour elle ces 3 choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner d'argent. Celui qui frappe un homme à mort doit être mis à mort. Mais s'il ne lui a pas tendu d'embûche et que Dieu l'ait présenté à sa main, je te fixerai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si un homme agit méchamment contre son prochain pour le tuer par ruse, tu l'arracheras même de mon autel pour le faire mourir. Celui qui frappe son père ou sa mère doit être mis à mort. Celui qui dérobe un homme, soit qu'il le vende, soit qu'on le retrouve entre ses mains, doit être mis à mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Lorsque des hommes se querellent, et que l'un en frappe un autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l'obligeant à tenir le lit, celui qui l'aura frappé sera quitte, si l'autre en relève et qu'il puisse se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son chômage et il le fera soigner. Quand un homme frappe du bâton son serviteur ou sa servante, et que ceux-ci meurent sous sa main, ils seront vengés. Mais si le serviteur survit un jour ou deux, il ne sera pas vengé, car il est la propriété de son maître. Lorsque des hommes se battent et qu'ils heurtent une femme enceinte, s'ils la font accoucher, sans autre accident, le coupable sera passible d'une amende que lui imposera le mari de la femme, et qu'il paiera selon la décision des juges. Mais s'il y a un accident, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Si un homme donne un coup dans l'œil de son serviteur ou de sa servante, et qu'il lui fasse perdre l'œil, il le mettra en liberté en compensation de son œil. Et s'il fait tomber une dent à son serviteur ou à sa servante, il le mettra en liberté en compensation de sa dent. Si un bœuf frappe de sa corne un homme ou une femme, et que la mort s'ensuive, le bœuf sera lapidé. On n'en mangera pas la chair, mais le maître du bœuf sera quitte. Mais si le bœuf frappait de la corne depuis longtemps, et que son maître, en ayant été averti, ne l'ait pas surveillé, le bœuf sera lapidé s'il tue un homme ou une femme, et son maître aussi sera mis à mort. Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui aura été imposé. Si le bœuf frappe un fils ou une fille, on appliquera encore cette loi. Mais si le bœuf frappe un serviteur ou une servante, on paiera 30 sicles d'argent au maître de l'esclave, et le bœuf sera lapidé. Si un homme ouvre une citerne, ou bien si un homme creuse une citerne et ne la couvre pas, et qu'il y tombe un bœuf ou un âne, le possesseur de la citerne indemnisera. Il rendra au maître la valeur de la bête en argent, et la bête sera tuée pour lui. Si le bœuf d'un homme frappe de la corne le bœuf d'un autre homme, et que la mort s'ensuive, ils vendront le bœuf vivant et s'en partageront le prix. Ils se partageront aussi le bœuf tué. Mais s'il est reconnu que le bœuf frappait de la corne depuis longtemps, et que son maître ne l'ait pas surveillé, celui-ci indemnisera en donnant bœuf pour bœuf, et le bœuf tué sera pour lui. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Chapitre 22. Si le voleur est surpris la nuit faisant effraction, et qu'il soit frappé et meurt, on n'est pas responsable du sang pour lui. Mais si le soleil est levé, on sera responsable du sang pour lui. Le voleur fera restitution. S'il n'a rien, on le vendra pour ce qu'il a volé. Si ce qu'il a volé, bœuf, âne ou brebis, se trouve encore vivant entre ses mains, il restituera le double. Si un homme fait du dégât dans un champ ou dans une vigne, en laissant son bétail brouter le champ d'autrui, il donnera en dédommagement le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne. Si un feu éclate et que, après avoir éteint les épines, il consume des gerbes, ou du blé sur pied, ou un champ, celui qui aura allumé l'incendie donnera un dédommagement. Si un homme donne en garde à un autre de l'argent ou des objets, et qu'on les vole de la maison de ce dernier, le voleur, si on le trouve, restituera le double. Si le voleur n'est pas trouvé, le maître de la maison se présentera devant Dieu pour déclarer s'il n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Quel que soit le corps du délit, bœuf, âne, brebis, vêtements ou tout objet perdu, au sujet duquel on dira « c'est bien cela », la cause des deux parties ira jusqu'à Dieu, et celui que Dieu aura condamné restituera le double à son prochain. Si un homme donne en garde à un autre un bœuf, une brebis, une tête de bétail quelconque, et que l'animal meurt, se casse un membre ou soit enlevé sans qu'il y ait de témoin, le serment du Seigneur interviendra entre les deux parties pour qu'on sache si le dépositaire n'a pas mis la main sur le bien de son prochain. Et le propriétaire de la bête acceptera ce serment, et l'autre n'aura pas à indemniser. Mais si la bête a été dérobée chez lui, il aura à indemniser le propriétaire. Si elle a été déchirée par une bête féroce, il en produira les restes en témoignage, et il n'aura point à indemniser pour la bête déchirée. Si un homme emprunte à un autre une bête, et qu'elle se casse un membre ou meurt, son propriétaire n'étant pas présent, il y aura lieu à indemnité. Si le propriétaire est présent, on n'indemnisera pas. Si la bête était louée, le prix de louage sera une compensation. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée et couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur paiera l'argent qu'on donne pour la dot des vierges. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Quiconque a commerce avec une bête sera mis à mort. Celui qui offre des sacrifices aux dieux, et non au Seigneur seul, sera voué à l'anathème. Tu ne maltraiteras point l'étranger, et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été des étrangers dans le pays d'Égypte. Vous n'affligerez point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges, ils crieront vers moi, et j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera, et je vous détruirai par l'épée, et vos femmes seront des veuves, et vos enfants des orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, au pauvre qui est avec toi, tu ne seras point à son égard comme un créancier. Tu n'exigeras pas de lui d'intérêt. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil, car c'est sa seule couverture, c'est le vêtement dont il s'enveloppe le corps. Sur quoi coucherait-il? S'il crie vers moi, je l'entendrai, car je suis compatissant. Tu ne blasphémeras pas contre Dieu, et tu ne maudiras pas un prince de ton peuple. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ton pressoir. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu feras de même du premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère, et le 8e jour tu me le donneras. Vous serez pour moi des hommes saints. Vous ne mangerez point la chair déchirée qui se trouvera dans les champs. Vous la jetterez aux chiens. Chapitre 23. Tu ne sèmeras pas de faux bruits. Tu ne donneras pas la main à un méchant en lui servant de témoin à charge. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour faire fléchir la justice. Tu ne favoriseras pas non plus un faible dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu ne manqueras pas de le lui ramener. Si tu vois l'âne de celui qui te hait succombant sous sa charge, tu te garderas de l'abandonner. Joins tes efforts aux siens pour le décharger. Tu ne feras pas fléchir le droit du pauvre dans son procès. Tu t'éloigneras d'une cause mensongère, et tu ne feras pas mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point un coupable. Tu n'accepteras pas de présent, car les présents aveuglent les clairvoyants et ruinent les causes justes. Tu n'opprimeras pas l'étranger. Vous savez ce que ressent l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Pendant 6 années, tu ensemenceras ta terre et tu en récolteras les produits. Mais la 7e, tu les laisseras et les abandonneras, et les indigents de ton peuple les mangeront, et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour tes vignes et tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, et que le fils de ta servante et l'étranger respirent. Vous prendrez garde à tout ce que je vous ai dit. Vous ne prononcerez point le nom de Dieu étranger, et on n'en entendra pas sortir de votre bouche. 3 fois chaque année, tu célébreras une fête en mon honneur. Tu observeras la fête des azimes. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, au temps fixé, au mois d'Abib, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois l'année, tous tes mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de ma victime, et la graisse de ma fête ne sera pas gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras les prémices des premiers fruits de ton sol à la maison du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici que j'envoie un ange devant toi, pour te garder dans le chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Sois sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, car il ne pardonnerait pas votre transgression, parce que mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Car mon ange marchera devant toi et te conduira vers les Amoréens, les Hétéens, les Phéréséens, les Cananéens, les Hévéens et les Jébuséens, et je les exterminerai. Tu n'adoreras pas leurs dieux et tu ne les serviras pas. Tu ne les imiteras pas dans leurs pratiques, mais tu renverseras et briseras leurs stèles. Vous servirez le Seigneur, votre Dieu, et il bénira ton pain et ton eau, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui perde son fruit, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi, je jetterai dans la confusion tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai devant toi les frelons, qui chasseront loin de ta face les Hévéens, les Cananéens et les Hétéens. Je ne les chasserai pas de ta face en une seule année, de peur que le pays ne devienne un désert, et que les bêtes sauvages ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu de devant toi, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses occuper le pays. J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras de devant toi. Tu ne feras pas alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront pas dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Chapitre 24. Dieu dit à Moïse, « Monte vers le Seigneur, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et prosternez-vous de loin. » Moïse s'approchera seul du Seigneur. Les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les lois, et le peuple entier répondit d'une seule voix. Toutes les paroles qu'a dites le Seigneur, nous les accomplirons. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Puis, s'étant levé de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes gens, enfants d'Israël, Et ils offrirent au Seigneur des holocaustes et immolèrent des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Ayant pris le livre de l'Alliance, il le lut en présence du peuple, qui répondit : Tout ce qu'a dit le Seigneur, nous le ferons et nous y obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple, en disant : Voici le sang de l'Alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur toutes ses paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abiu, et 70 des anciens d'Israël, et ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds était comme un ouvrage de brillant saphir, pur comme le ciel même. Et il n'étendit pas sa main sur les élus des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Le Seigneur dit à Moïse : Monte vers moi sur la montagne, et reste-y. Je te donnerai les tables de pierre, la loi et les préceptes que j'ai écrits pour leur instruction. Moïse se leva avec Josué, son serviteur, et Moïse monta vers la montagne de Dieu. Il dit aux anciens : Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici, Aaron et Hur seront avec vous. Si quelqu'un a un différend, qu'il s'adresse à eux. Moïse monta vers la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire du Seigneur était, aux yeux des enfants d'Israël, comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Moïse entra au milieu de la nuée et monta à la montagne. Et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Chapitre 25. Le Seigneur parla à Moïse en disant : Dis aux enfants d'Israël de prélever pour moi une offrande. De tout homme qui la donnera de bon cœur, vous recevrez pour moi l'offrande. Voici l'offrande que vous recevrez d'eux : de l'or, de l'argent et de l'airain, de la pourpre violette, de la pourpre écarlate, du cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, des peaux de veau marin et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'encensement, des pierres d'onyx et d'autres pierres à enchâsser pour l'éphod et le pectoral. Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous vous conformerez à tout ce que je vais vous montrer, au modèle du tabernacle et au modèle de tous ses ustensiles. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur 1 coudée et demie, et sa hauteur 1 coudée et demie. Tu la revêtiras d'or pur, en dedans et en dehors, et tu y feras une guirlande d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or, que tu mettras à ses 4 pieds, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Tu feras des barres de bois d'acacia, et tu les revêtiras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche, pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur 1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais 1 chérubin à 1 des extrémités et 1 chérubin à 2 extrémités. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins auront leurs ailes déployées vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les faces des chérubins seront tournées vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire au-dessus de l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Là, je me rencontrerai avec toi et je te communiquerai, de dessus le propitiatoire, du milieu des 2 chérubins qui sont sur l'arche du témoignage, tous les ordres que je te donnerai pour les enfants d'Israël. Tu feras une table de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées, sa largeur 1 coudée et sa hauteur 1,5 coudées. Tu la revêtiras d'or pur et tu y mettras une guirlande d'or tout autour. Tu lui feras à l'entour un châssis 1 palme et tu feras une guirlande d'or au châssis tout autour. Tu feras pour la table 4 anneaux d'or et tu mettras les anneaux aux 4 coins qui seront à ses 4 pieds. Les anneaux seront près du châssis pour recevoir les barres qui doivent porter la table. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les revêtiras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras ses plats, ses cassolettes, ses coupes et ses tasses servant aux libations. Tu les feras d'or pur. Tu placeras sur la table les pains de proposition perpétuellement devant ma face. Tu feras un chandelier d'or pur. Le chandelier, avec son pied et sa tige, sera fait d'or battu. Ses calices, ses boutons et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés. 3 branches du chandelier de l'un de ses côtés et 3 branches du chandelier du second de ses côtés. Il y aura sur la première branche 3 calices en fleurs d'amandier, boutons et fleurs, et sur la seconde branche 3 calices en fleurs d'amandier, boutons et fleurs. Il en sera de même pour les 6 branches partant du chandelier. À la tige du chandelier, il y aura 4 calices en fleurs d'amandier, leurs boutons et leurs fleurs. Il y aura un bouton sous les 2 premières branches partant de la tige du chandelier, un bouton sous les 2 branches suivantes partant de la tige du chandelier, et un bouton sur les 2 dernières branches partant de la tige du chandelier, selon les 6 branches sortant de la tige du chandelier. Ces boutons et ces branches seront d'une même pièce avec le chandelier. Le tout sera une masse d'or battu, d'or pur. Tu feras ces lampes au nombre de 7, et on placera ces lampes sur les branches de manière à éclairer en face. Ces mouchettes et ces vases à cendres seront en or pur. On emploiera 1 talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Regarde et fais selon le modèle qui t'est montré sur la montagne. Chapitre 26. Tu feras la demeure de 10 tentures. Tu les feras de lin retors, de pourpre violette, de pourpre écarlate et de cramoisi, avec des chérubins. Ouvrage d'habile tisseur. La longueur d'une tenture sera de 28 coudées, et la largeur d'une tenture sera de 4 coudées. La dimension sera la même pour toutes les tentures. 5 de ces tentures seront jointes ensemble. Les 5 autres seront aussi jointes ensemble. Tu mettras des lacets de pourpre violette au bord de la tenture terminant le premier assemblage, et tu feras de même au bord de la tenture terminant le second assemblage. Tu feras 50 lacets à la première tenture, et tu feras 50 lacets au bord de la tenture terminant le second assemblage, et ces lacets se correspondront les uns aux autres. Tu feras 50 agrafes d'or, avec lesquelles tu joindras les tentures l'une à l'autre, en sorte que la demeure forme un seul tout. Tu feras aussi des tentures de poils de chèvre pour former une tente sur la demeure. Tu feras 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture sera de 30 coudées, et la largeur d'une tenture sera de 4 coudées. La dimension sera la même pour les 11 tentures. Tu joindras à part 5 de ces tentures, et les 6 autres à part, et tu replieras la 6e tenture sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets au bord de la tenture terminant le premier assemblage, et 50 autres au bord de la tenture du second assemblage. Tu feras 50 agrafes d'airain. Tu introduiras les agrafes dans les lacets, et tu assembleras ainsi la tente, qui formera un seul tout. Quant à la partie qui sera de surplus dans les tentures de la tente, savoir la moitié de la tenture en plus, elle retombera sur le derrière de la demeure. Et les coudées en excédant l'une d'un côté, l'autre de l'autre, sur la longueur des tentures de la tente, retomberont sur les côtés de la demeure, l'une d'un côté, l'autre de l'autre, pour la couvrir. Tu feras pour la tente une couverture en peau de bélier teinte en rouge, et une couverture en peau de veau marin par-dessus. Tu feras aussi les planches pour la demeure, des planches de bois d'acacia posées debout. La longueur d'une planche sera de 10 coudées, et la largeur d'une planche sera d'une coudée et demie. Il y aura à chaque planche 2 tenons, joints l'un à l'autre. Tu feras de même pour toutes les planches de la demeure. Tu feras les planches pour la demeure. 20 planches pour la face du midi, à droite. Tu mettras sous les 20 planches 40 socles d'argent. 2 socles sous chaque planche pour ces 2 tenons. Pour le second côté de la demeure, le côté du nord, tu feras 20 planches, ainsi que leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche. Tu feras 6 planches pour le fond de la demeure, du côté de l'occident. Tu feras 2 planches pour les angles de la demeure, dans le fond. Elles seront doubles depuis le bas, formant ensemble un seul tout jusqu'à leur sommet, jusqu'au premier anneau. Ainsi en sera-t-il pour toutes les 2. Elles seront placées aux 2 angles. Il y aura ainsi 8 planches, avec leur socle d'argent, 16 socles, 2 socles sous chaque planche. Tu feras des traverses de bois d'acacia, 5 pour les planches de l'un des côtés de la demeure, 5 traverses pour les planches du second côté de la demeure, et 5 traverses pour les planches du côté de la demeure qui en forment le fond vers l'occident. La traverse du milieu s'étendra, le long des planches, d'une extrémité à l'autre. Tu revêtiras d'or les planches, et tu feras d'or leurs anneaux qui doivent recevoir les traverses, et tu revêtiras d'or les traverses. Tu dresseras la demeure d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Tu feras un voile de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de lin retors. On y représentera des chérubins, ouvrage d'un habile tisseur. Tu le suspendras à 4 colonnes de bois d'acacia, revêtues d'or, avec des crochets d'or et posées sur 4 socles d'argent. Tu mettras le voile sous les agrafes, et c'est là, derrière le voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile fera pour vous une séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu placeras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu placeras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, du côté méridional de la demeure, et tu placeras la table du côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau en pourpre violette, pourpre écarlate, cramoisi et lin retors, ouvrage d'un dessin varié. Tu feras pour ce rideau 5 colonnes d'acacia, et tu les revêtiras d'or. Elles auront des crochets d'or, et tu fondras pour elles 5 socles d'airain. Chapitre 27. Tu feras l'autel en bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées, et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré, et sa hauteur sera de 3 coudées. À ses 4 coins, tu feras des cornes qui sortiront de l'autel, et tu le revêtiras d'airain. Tu feras pour l'autel des vases pour recueillir les cendres, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brasiers. Tu feras d'airain tous ses ustensiles. Tu feras à l'autel une grille d'airain en forme de treillis, et tu mettras 4 anneaux d'airain aux 4 bouts du treillis. Tu la placeras sous la corniche de l'autel, par en bas, et le treillis sera jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Tu feras pour l'autel des barres de bois d'acacia, que tu revêtiras d'airain. On passera ces barres dans les anneaux, et elles seront aux 2 côtés de l'autel quand on le transportera. Tu le feras creux, en planche. On le fera comme il t'a été montré sur la montagne. Tu feras le parvis de la demeure. Du côté du midi, à droite, il y aura, pour former le parvis, des rideaux de lin retors, sur une longueur de 100 coudées pour un côté, avec 20 colonnes et leurs 20 socles d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. De même, du côté du nord, il y aura des rideaux sur une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 socles d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles seront d'argent. Du côté de l'occident, il y aura, pour la largeur du parvis, 50 coudées de rideaux, avec 10 colonnes et leurs 10 socles. Du côté de l'orient, sur le devant, le parvis aura une largeur de 50 coudées. Et il y aura 15 coudées de rideaux pour un côté de la porte, avec 3 colonnes et leurs 3 socles, et 15 coudées de rideaux pour le deuxième côté, avec 3 colonnes et leurs 3 socles. Pour la porte du parvis, il y aura une tenture de 20 coudées, en pourpre violette, pourpre écarlate, cramoisi et lin retors, avec dessins variés, ainsi que 4 colonnes avec leurs 4 socles. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis seront reliées par des tringles d'argent. Elles auront des crochets d'argent et leurs socles seront d'airain. La longueur du parvis sera de 100 coudées, sa largeur de 50 coudées de chaque côté et sa hauteur de 5 coudées. Les rideaux seront de lin retors et les socles d'airain. Tous les ustensiles destinés au service de la demeure, tous ces pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le luminaire de l'huile d'olive concassée, pour entretenir les lampes continuellement. Dans la tente de réunion, en dehors du voile qui est devant le témoignage, Aaron et ses fils la prépareront pour brûler du soir au matin en présence du Seigneur. C'est une loi perpétuelle, de génération en génération pour les enfants d'Israël. Chapitre 28. Fais venir auprès de toi Aaron ton frère et ses fils avec lui, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils soient prêtres à mon service. Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, fils d'Aaron. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés, pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Tu t'adresseras à tous les hommes habiles que j'ai remplis d'un esprit de sagesse, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés pour qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une ceinture. Tels sont les vêtements sacrés qu'ils feront à Aaron, ton frère, et à ses fils, afin qu'ils soient prêtres à mon service. Ils emploieront de l'or, de la pourpre violette, de la pourpre écarlate, du cramoisi et du fin lin. Ils feront l'éphod d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de lin retors, mêlés dans un habile tissu. Il y aura 2 épaulettes qui réuniront ces 2 extrémités, et ainsi il sera joint. La ceinture pour l'attacher en passant dessus sera du même travail et fera corps avec lui. Elle sera d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de lin retors. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur 1 pierre et les 6 autres noms sur la 2e pierre, selon l'ordre de leur naissance. Comme on taille les pierres précieuses et qu'on y grave des cachets, ainsi tu graveras sur les 2 pierres les noms des enfants d'Israël, et tu les enchasseras dans des chatons d'or. Tu placeras les 2 pierres sur les épaulettes de l'éphod comme pierres de souvenir pour les enfants d'Israël, et Aaron portera leur nom sur ses 2 épaules devant le Seigneur en souvenir. Tu feras des chatons d'or et 2 chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon, et tu fixeras aux chatons les chaînettes en forme de cordon. Tu feras un pectoral du jugement, artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera 1 empan et sa largeur 1 empan. Tu y adapteras une garniture de pierreries, 4 rangées de pierreries. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Deuxième rangée. Une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée. Une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée. Une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans des rosettes d'or. Les pierres seront selon les noms des fils d'Israël, 12 selon leurs noms. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec son nom, pour les 12 tribus. Tu feras pour le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. Tu feras sur le pectoral 2 anneaux d'or, et tu mettras les 2 anneaux d'or aux 2 extrémités du pectoral. Tu passeras les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux, aux extrémités du pectoral, et tu attacheras les 2 bouts des 2 cordons aux 2 chatons, et tu les mettras sur les épaulettes de l'éphod, par devant. Tu feras encore 2 anneaux d'or, que tu mettras aux 2 extrémités inférieures du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. Et tu feras 2 autres anneaux d'or, que tu mettras au bas des 2 épaulettes de l'éphod, sur le devant, près de son attache, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attachera le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un ruban de pourpre violette, afin que le pectoral soit au-dessus de la ceinture de l'éphod, et le pectoral ne pourra pas se séparer de l'éphod. C'est ainsi qu'Aaron, lorsqu'il entrera dans le sanctuaire, portera sur son cœur les noms des fils d'Israël gravés sur le pectoral du jugement, en souvenir perpétuel devant le Seigneur. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant le Seigneur. Et ainsi Aaron portera constamment sur son cœur, devant le Seigneur, le jugement des enfants d'Israël. Tu feras la robe de l'éphod tout entière en pourpre violette. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un rebord tissé, comme à l'ouverture d'une cotte d'armes, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras au bord inférieur des grenades de pourpre violette, de pourpre écarlate et de cramoisi, sur le bord inférieur tout autour, et des clochettes d'or au milieu d'elles tout autour. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur le bord inférieur de la robe, tout autour. Aaron s'en revêtira pour remplir son ministère, et l'on entendra le son des clochettes quand il entrera dans le sanctuaire devant le Seigneur, et quand il en sortira, et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pur, et tu y graveras, comme on grave sur un cachet, « Sainteté au Seigneur ». Tu l'attacheras avec un ruban de pourpre violette pour qu'elle soit sur la tiare. Elle sera sur le devant de la tiare. Elle sera sur le front d'Aaron, et Aaron portera les fautes commises dans les choses saintes que consacreront les enfants d'Israël, en toute espèce de saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front devant le Seigneur, pour qu'il trouve faveur devant le Seigneur. Tu feras la tunique en lin. Tu feras une tiare de lin, et tu feras une ceinture de diverses couleurs. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des mitres, pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu revêtiras de ces ornements Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les installeras et tu les consacreras, afin qu'ils soient prêtres à mon service. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente de réunion ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi ils n'encourront point de faute et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Chapitre 29. Voici ce que tu feras pour les consacrer à mon service comme prêtre. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu feras le tout de fleurs de farine de froment. Tu les mettras dans une seule corbeille, et tu les présenteras dans la corbeille en même temps que tu présenteras le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de réunion, et tu les laveras avec de l'eau. Puis, ayant pris les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu lui mettras la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu mettras sur la tiare le diadème de sainteté. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des mitres aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle, et tu installeras Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente de réunion, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant le Seigneur, à l'entrée de la tente de réunion. Tu prendras du sang du taureau, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le réseau du foie et les deux rognons avec la graisse qui les entoure, et tu feras fumer tout cela sur l'autel. Mais tu consumeras par le feu hors du camp la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux et, ayant lavé les entrailles et les jambes, tu les mettras sur les morceaux et sur sa tête. Et tu feras fumer tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste au Seigneur, d'agréable odeur, un sacrifice par le feu pour le Seigneur. Tu prendras le second bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, et, ayant pris de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements avec lui. Et ainsi il sera consacré, lui et ses vêtements, ainsi que ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui enveloppe les entrailles, le réseau du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et l'épaule droite, car c'est un bélier d'installation. Tu prendras aussi, dans la corbeille des pains sans levain placée devant le Seigneur, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu poseras toutes ces choses sur les paumes des mains d'Aaron et sur les paumes des mains de ses fils, et tu les balanceras comme offrande balancée devant le Seigneur. Tu les ôteras ensuite de leurs mains et tu les feras brûler sur l'autel par-dessus l'holocauste, en agréable odeur devant le Seigneur. C'est un sacrifice par le feu pour le Seigneur. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à l'installation d'Aaron, et tu la balanceras comme offrande balancée devant le Seigneur. Ce sera ta portion. Du bélier d'installation, de ce qui revient à Aaron et de ce qui revient à ses fils, tu consacreras ce qui aura été balancé et ce qui aura été élevé, savoir la poitrine balancée et l'épaule élevée. Ce sera pour Aaron et ses fils une redevance perpétuelle de la part des enfants d'Israël, car c'est une offrande élevée. Et les enfants d'Israël auront à prélever une offrande sur leur sacrifice d'action de grâce, leur offrande prélevée pour le Seigneur. Les vêtements sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui en seront revêtus lorsqu'on les oindra et qu'on les installera. 7 jours durant, celui de ses fils qui sera prêtre à sa place les portera. celui qui entrera dans la tente de réunion pour faire le service dans le sanctuaire. Tu prendras le bélier d'installation et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront, à l'entrée de la tente de réunion, la chair du bélier et le pain qui sera dans la corbeille. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi à faire l'expiation pour les installer et les consacrer. Nul étranger n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste jusqu'au lendemain de la chair de l'installation et du pain, tu brûleras ce reste, et on ne le mangera pas, car c'est une chose sainte. Tu feras ainsi à l'égard d'Aaron et de ses fils, selon tous les ordres que je t'ai donnés. Tu les installeras pendant 7 jours. Tu offriras chaque jour un jeune taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu ôteras de l'autel le péché par cette expiation, et tu l'oindras pour le consacrer. Pendant 7 jours, tu feras l'expiation pour l'autel et tu le consacreras, et l'autel sera très saint, et tout ce qui touchera l'autel sera sacré. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, chaque jour, à perpétuité. Tu offriras l'un de ces agneaux le matin, et tu offriras l'autre agneau entre les 2 soirs. Avec le premier agneau, tu offriras 1/10 d'épha de fleurs de farine pétrie avec 1/4 hin d'huile d'olive concassée et une libation 1/4 hin de vin. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs. Tu l'accompagneras d'une offrande et d'une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice d'agréable odeur, un sacrifice par le feu pour le Seigneur. Holocauste perpétuel qui doit être offert par vous d'âge en âge, à l'entrée de la tente de réunion, devant le Seigneur, là où je me rencontrerai avec vous pour t'y parler. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera consacré par ma gloire. Je consacrerai la tente de réunion et l'autel, et je consacrerai Aaron et ses fils pour qu'ils soient prêtres à mon service. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur Dieu. Ils connaîtront que moi, le Seigneur, je suis leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux, moi le Seigneur, leur Dieu. Chapitre 30. Tu feras un autel pour faire fumer l'encens. Tu le feras de bois d'acacia. Sa longueur sera 1 coudée, et sa largeur 1 coudée. Il sera carré, et sa hauteur sera de 2 coudées. Ses cornes feront corps avec lui. Tu le revêtiras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et tu y feras une guirlande d'or tout autour. Tu feras pour lui 2 anneaux d'or, au-dessous de la guirlande, sur ses 2 arêtes. Tu les feras aux 2 côtés, pour recevoir les barres qui serviront à le porter. Tu feras les barres de bois d'acacia, et tu les revêtiras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, là où je me rencontrerai avec toi. Aaron y fera fumer l'encens. Il le fera fumer chaque matin, lorsqu'il préparera les lampes, et il le fera fumer entre les 2 soirs, lorsqu'Aaron mettra les lampes sur le chandelier. Encens perpétuel devant le Seigneur, parmi vos descendants. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum profane, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez pas de libation. Aaron fera l'expiation sur les cornes de l'autel 1 fois chaque année. Avec le sang de la victime expiatoire, il y fera l'expiation 1 fois l'an parmi vos descendants. Cet autel sera très saint au Seigneur. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Quand tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le recensement, ils donneront chacun au Seigneur une rançon pour leur âme, lorsqu'on les recensera, afin qu'ils ne soient frappés d'aucun fléau lors de leur recensement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-sicle, selon le sicle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Un demi-sicle sera le don levé pour le Seigneur. » tout homme compris dans le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, acquittera la contribution du Seigneur. Le riche ne paiera pas plus, et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-sicle, pour acquitter la contribution du Seigneur, comme rançon de vos âmes. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent de la rançon, et tu l'appliqueras au service de la tente de réunion. Il sera pour les enfants d'Israël un titre devant le Seigneur pour la rançon de leur âme. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente de réunion et l'autel, et tu y mettras de l'eau, et Aaron et ses fils en prendront pour se laver les mains et les pieds. Ils se laveront avec cette eau, afin qu'ils ne meurent point, et lorsqu'ils entreront dans la tente de réunion, et lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service, pour faire fumer un sacrifice au Seigneur. Ils se laveront les pieds et les mains, et ils ne mourront pas. Ce sera une loi perpétuelle pour eux, pour Aaron et sa postérité d'âge en âge. » Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Prends, parmi les meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe vierge, la moitié, soit 250 cycles, de cinname aromatique, 250 cycles de canne odorante, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et 1 hin d'huile d'olive. Tu en feras une huile pour l'onction sainte, un parfum composé selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente de réunion et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, et la cuve avec sa base. Tu les consacreras, et ils seront très saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les consacreras, pour qu'ils me servent comme prêtres. Tu parleras aux enfants d'Israël en disant, « Ce sera l'huile d'onction sainte, pour moi d'âge en âge. On n'en répandra pas sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez pas une semblable, de même composition. C'est une chose sacrée, et vous la regarderez comme chose sacrée. Quiconque en composera de semblable, ou en mettra sur un étranger, sera retranché de son peuple. » Le Seigneur dit à Moïse, « Prends des aromates, résine, ongles odorants, galbanum, des aromates et de l'encens pur. Ils seront en partie égales. Tu en feras un parfum pour l'encensement, composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre, et tu en mettras devant le témoignage, dans la tente de réunion, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Le parfum que tu feras, vous n'en ferez pas pour vous de même composition. Tu le regarderas comme une chose sacrée pour le Seigneur. Quiconque en fera de semblable, pour en respirer l'odeur, sera retranché de son peuple. » Chapitre 31. Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Sache que j'ai appelé par son nom Bézéléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler l'or, l'argent et l'airain, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai adjoint Oholiab, fils d'Akhisamec, de la tribu de Dan, et j'ai mis la sagesse dans le cœur de tout homme habile pour qu'ils exécutent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de réunion, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui est dessus, et tous les meubles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements de cérémonie, les vêtements sacrés pour le prêtre Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. l'huile d'onction et le parfum à brûler pour le sanctuaire. Ils exécuteront tous les ordres que je t'ai donnés. » Le Seigneur parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, « Ne manquez pas d'observer mes sabbats, car c'est entre moi et vous un signe pour toutes vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi, le Seigneur, qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car c'est pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera un jour de repos complet, consacré au Seigneur. Quiconque fera un travail le jour du sabbat sera puni de mort. Les enfants d'Israël observeront le sabbat et le célébreront, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera, entre moi et les enfants d'Israël, un signe à perpétuité. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Lorsque le Seigneur eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. Chapitre 32. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car pour ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il en est devenu. » Aaron leur dit, « Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Tout le monde ôta les anneaux d'or qu'ils avaient aux oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, façonna l'or au burin, et en fit un veau en fonte. Et ils dirent, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Ayant vu cela, Aaron construisit un autel devant l'image, et il s'écria, « Demain il y aura fête en l'honneur du Seigneur. » Le lendemain, s'étant levés de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices pacifiques. Et le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, ils se sont prosternés devant lui, et ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait monter du pays d'Égypte. » Le Seigneur dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant laisse-moi, que ma colère s'embrase contre eux et que je les consume, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora le Seigneur, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Seigneur, votre colère s'embraserait-elle contre votre peuple que vous avez fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir. C'est pour les faire périr dans les montagnes et pour les anéantir de dessus la terre. Revenez de l'ardeur de votre colère et repentez-vous du mal que vous voulez faire à votre peuple. Souvenez-vous d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, vos serviteurs, auxquels vous avez dit, en jurant par vous-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays dont j'ai parlé, je le donnerai à vos descendants, et ils le posséderont à jamais. » Et le Seigneur se repentit du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Moïse revint et descendit de la montagne, ayant dans sa main les 2 tables du témoignage, tables écrites sur leurs 2 côtés. Elles étaient écrites sur l'une et l'autre face. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, et l'écriture était l'écriture de Dieu, gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris, et il dit à Moïse, Il y a un cri de bataille dans le camp. » Moïse répondit : « Ce n'est ni un bruit de cri de victoire, ni un bruit de cri de défaite. J'entends la voix de gens qui chantent. » Lorsqu'il fut près du camp, il vit le veau et les danses. Et la colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Et, prenant le veau qu'ils avaient fait, il le brûla au feu, le broya jusqu'à le réduire en poudre, répandit cette poudre sur l'eau et en fit boire aux enfants d'Israël. Moïse dit à Aaron : « Que t'a fait ce peuple pour que tu aies amené sur lui un si grand péché ?» Aaron répondit : « Que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté au mal. » Ils m'ont dit : « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car pour ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il en est devenu. » Je leur ai dit : « Que ceux qui ont de l'or s'en dépouillent. » Ils m'en ont donné. Je l'ai jeté au feu, et il en est sorti ce veau. Moïse vit que le peuple n'avait plus de frein, parce qu'Aaron lui avait ôté tout frein, l'exposant à devenir une risée parmi ses ennemis. Et Moïse se plaça à la porte du camp, et il dit : « À moi, ceux qui sont pour le Seigneur !» Et tous les enfants de Lévi se rassemblèrent auprès de lui. Il leur dit : « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Que chacun de vous mette son épée à son côté. Passez et repassez dans le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, chacun son ami, chacun son parent. » Les enfants de Lévi firent se coordonner Moïse, et il périt ce jour-là environ 3000 hommes du peuple. Moïse dit : « Consacrez-vous aujourd'hui au Seigneur, puisque chacun de vous a été contre son fils et son père, afin qu'il vous donne aujourd'hui une bénédiction. » Le lendemain, Moïse dit au peuple : « Vous avez commis un grand péché, et maintenant je vais monter vers le Seigneur. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers le Seigneur et dit : « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonnez maintenant leur péché, sinon effacez-moi de votre livre que vous avez écrit. » Le Seigneur dit à Moïse : C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va maintenant, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi, mais, au jour de ma visite, je les punirai de leur péché. » C'est ainsi que le Seigneur frappa le peuple, parce qu'ils avaient fait le veau qu'Aaron avait fait. Chapitre 33. Le Seigneur dit à Moïse : « Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte. Monte au pays que j'ai promis avec serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant : Je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai le Cananéen, l'Amoréen, le Héthéen, le Phérézéen, le Hévéen et le Jébuséen. Monte vers un pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, car tu es un peuple au cou raide, pour ne pas t'anéantir en chemin. » En entendant ces dures paroles, le peuple prit le deuil, et personne ne mit ses ornements. Alors le Seigneur dit à Moïse : « Dis aux enfants d'Israël : Vous êtes un peuple au cou raide. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je t'anéantirais. Et maintenant, enlève tes ornements de dessus de toi, et je saurai ce que j'ai à te faire. » Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements dès le mont Horeb. Moïse prit la tente et se la dressa hors du camp, à quelque distance. Il l'appela tente de réunion, et quiconque cherchait le Seigneur se rendait à la tente de réunion qui était hors du camp. Et lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenant à l'entrée de la tente, et on suivait des yeux Moïse jusqu'à ce qu'il entrât dans la tente. Dès que Moïse était entré dans la tente, La colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et le Seigneur parlait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée qui se tenait à l'entrée de la tente, et tout le peuple se levait, et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. Et le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Moïse retournait ensuite au camp, mais son serviteur Josué, fils de Noun, jeune homme, ne s'éloignait pas du milieu de la tente. Moïse dit au Seigneur, « Vous me dites, fais monter ce peuple, et vous ne me faites pas connaître celui que vous enverrez avec moi. Cependant vous avez dit, « Je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Et maintenant, si j'ai bien trouvé grâce à vos yeux, faites-moi donc connaître vos voies, et que je vous connaisse, afin que je trouve grâce à vos yeux. Considérez que cette nation est votre peuple. » Le Seigneur répondit, « Ma face ira avec toi, et je te donnerai un repos. » Moïse dit, « Si votre face ne vient pas, ne nous faites pas partir d'ici. À quoi connaîtra-t-on que j'ai trouvé grâce à vos yeux, moi et votre peuple, sinon à ce que vous marcherez avec nous? C'est ce qui nous distinguera, moi et votre peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai encore ce que tu demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Moïse dit, « Faites-moi voir votre gloire. » Le Seigneur répondit, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je prononcerai devant toi le nom du Seigneur, car je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. » Le Seigneur dit, « Tu ne pourras voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Le Seigneur dit, « Voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Alors je retirerai ma main, et tu me verras par derrière. Mais ma face ne saurait être vue. » Chapitre 34. Le Seigneur dit à Moïse, « Taille deux tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois prêt pour demain, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, au sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne se montre nulle part sur la montagne, et même que ni brebis ni bœufs ne paissent du côté de cette montagne. » Moïse tailla donc deux tables de pierre comme les premières, et, s'étant levé de bonne heure, il monta sur la montagne de Sinaï, selon que le Seigneur le lui avait ordonné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée, se tint là avec lui et prononça le nom de l'Éternel. Et le Seigneur passa devant lui et s'écria, « Seigneur, Seigneur, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la révolte et le péché. Mais il ne les laisse pas impunis, visitant l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. » Aussitôt Moïse s'inclina vers la terre et se prosterna en disant, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, Seigneur, daigne le Seigneur marcher au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonnez nos iniquités et nos péchés, et prenez-nous pour votre héritage. » Le Seigneur dit, « Voici que je fais une alliance. En présence de tout ton peuple, je ferai des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation, et tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre du Seigneur, car terribles sont les choses que j'accomplirai avec toi. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi l'Amoréen, le Cananéen, le Héthéen, le Phérézéen, le Hévéen et le Jébuséen. Garde-toi de contracter alliance avec les habitants du pays contre lequel tu marches, de peur qu'ils ne soient un piège au milieu de toi. Mais vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs stèles et vous abattrez leurs achérim. Tu n'adoreras aucun autre dieu, car le Seigneur se nomme le jaloux. Il est un dieu jaloux. Ne contracte donc pas alliance avec les habitants du pays, de peur que, lorsqu'ils se prostituent à leur dieu et leur offrent des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer aussi à leur dieu. Tu ne feras point de dieu de métal fondu. Tu observeras la fête des azimes. Pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain, comme je te l'ai prescrit, au temps fixé du mois d'Abib, car c'est dans le mois d'Abib que tu es sorti d'Égypte. Tout premier-né m'appartient. De même, tout premier-né mâle de tes troupeaux, soit bœuf, soit brebis. Tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne, et, si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils, et l'on ne se présentera pas les mains vides devant ma face. Tu travailleras 6 jours, mais tu te reposeras le 7e jour, même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des premiers produits de la moisson du froment et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel, Dieu d'Israël. Car je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières. Et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant le Seigneur, ton Dieu, 3 fois par an. Tu n'offriras pas avec du pain levé le sang de ma victime, et le sacrifice de la fête de Pâques ne sera pas gardé pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras les prémices des premiers fruits de ton sol à la maison du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Le Seigneur dit à Moïse, « Écris, toi, ces paroles, car c'est d'après ces paroles que je fais alliance avec toi et avec Israël. » Moïse fut là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits, sans manger de pain et sans boire d'eau. Et le Seigneur écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï. Moïse avait dans sa main les 2 tables du témoignage en descendant de la montagne. Et Moïse ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante pendant qu'il parlait avec le Seigneur. Aaron et tous les enfants d'Israël virent Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait. Et ils craignirent de s'approcher de lui. Moïse les appela. Et Aaron et tous les princes de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Ensuite tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus du Seigneur sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Puis il sortait et disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël voyaient le visage de Moïse. Ils voyaient que la peau du visage de Moïse était rayonnante. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec le Seigneur. Chapitre 35. Moïse, ayant convoqué toute l'assemblée d'Israël, leur dit « Voici les choses que le Seigneur a ordonné de faire. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e sera pour vous un jour consacré, un jour de repos complet en l'honneur du Seigneur. Quiconque fera un travail ce jour-là sera puni de mort. Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos demeures le jour du sabbat. » Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant « Voici ce que le Seigneur a ordonné. Prélevez sur vos biens une offrande pour le Seigneur. Tout homme au cœur bien disposé apportera en offrande au Seigneur de l'or, de l'argent et de l'airain, de la pourpre violette, de la pourpre écarlate, du cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de veau marin, et du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum d'encensement, des pierres d'onyx et d'autres pierres à enchâsser pour l'éphode et pour le pectoral. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que le Seigneur a ordonné. La demeure, sa tente et sa couverture, ses anneaux, ses ais, ses traverses, ses colonnes et ses socles, l'arche et ses barres, le propitiatoire et le voile de séparation, la table avec ses barres et tous ses ustensiles, et les pains de proposition, le chandelier avec ses ustensiles, ses lampes et l'huile pour le chandelier, l'autel des parfums et ses barres, l'huile d'onction et le parfum pour l'encensement, la tenture de la porte pour l'entrée de la demeure, l'autel des holocaustes, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les rideaux du parvis, ses colonnes, ses socles et la tenture de la porte du parvis, les pieux de la demeure, les pieux du parvis avec leur cordage, les vêtements de cérémonie pour le service dans le sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Toute l'assemblée des enfants d'Israël étant sortie de devant Moïse, tous ceux que leur cœur y portait et tous ceux dont l'esprit était bien disposé vinrent et apportèrent une offrande au Seigneur pour la construction de la tente de réunion, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Les hommes vinrent aussi bien que les femmes. Tous ceux dont le cœur était bien disposé apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or. Chacun présenta l'offrande d'or qu'il avait destinée au Seigneur. Tous ceux qui avaient chez eux de la pourpre violette, de la pourpre écarlate et du cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de veau marin les apportèrent. Tous ceux qui avaient prélevé une offrande d'argent et d'airain apportèrent l'offrande au Seigneur. Tous ceux qui avaient chez eux du bois d'acacia pour tous les ouvrages destinés au culte l'apportèrent. Toutes les femmes qui avaient de l'habileté filèrent de leurs mains, et elles apportèrent leur ouvrage de la pourpre violette, de la pourpre écarlate, du cramoisi et du fin lin. Toutes les femmes que leur cœur y portait et qui avaient de l'habileté filèrent du poil de chèvre. Les principaux du peuple apportèrent des pierres d'onyx et d'autres pierres à enchâsser pour l'éphode et le pectoral, des aromates et de l'huile pour le chandelier, pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant. Tous les enfants d'Israël, hommes et femmes, qui étaient disposés de cœur à contribuer à tout ouvrage que le Seigneur avait commandé de faire par l'organe de Moïse, apportèrent au Seigneur des offrandes volontaires. Moïse dit aux enfants d'Israël, « Sachez que le Seigneur a choisi Bézaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il l'a rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, pour faire des inventions, pour travailler l'or, l'argent et l'airain, pour graver les pierres à enchâsser, pour tailler le bois et exécuter toutes sortes d'ouvrages d'art. Il a mis aussi dans son cœur le don d'enseignement, de même qu'en Oholiab, fils d'Akisamec, de la tribu de Dan. Il les a remplis d'intelligence pour exécuter tous les ouvrages de sculpture et d'art, pour tisser d'un dessin varié la pourpre violette, la pourpre écarlate, le cramoisi et le fin lin, pour exécuter toute espèce de travaux et pour faire des inventions. » Chapitre 36. Bézaléel, Oholiab et tous les hommes intelligents en qui le Seigneur a mis de l'intelligence et de l'habileté pour savoir faire tous les ouvrages destinés au service du sanctuaire, les exécuteront selon tout ce que le Seigneur a commandé. Moïse appela Bézaléel, Oholiab et tous les hommes intelligents dans le cœur desquels le Seigneur avait mis de l'intelligence, tous ceux que leur cœur poussait à s'appliquer à cette œuvre pour l'exécuter. Ils prirent de devant Moïse toute l'offrande qu'avaient apportée les enfants d'Israël pour exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Et chaque matin, le peuple continuait à apporter à Moïse des offrandes volontaires. Alors tous les hommes habiles qui exécutaient tous les ouvrages du sanctuaire, quittant chacun l'ouvrage qu'il faisait, vinrent dire à Moïse : Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour l'exécution des ouvrages que le Seigneur a ordonné de faire. Moïse donna un ordre, et on fit cette proclamation dans le camp : Que personne, homme ou femme, ne s'occupe plus de l'offrande pour le sanctuaire. Et on empêcha le peuple d'en apporter davantage. Les objets préparés suffisaient, et au-delà, pour tous les ouvrages à exécuter. Tous les hommes habiles parmi ceux qui travaillaient à l'œuvre firent la demeure de 10 tentures. Ils les firent de lin retors, de pourpre violette, de pourpre écarlate et de cramoisi, avec des chérubins, ouvrage d'habiles tisseurs. La longueur d'une tenture était de 28 coudées, et la largeur d'une tenture était de 4 coudées. La dimension était la même pour toutes les tentures. 5 de ces tentures furent jointes ensemble. Les 5 autres furent aussi jointes ensemble. On mit des lacets de pourpre violette au bord de la tenture terminant le premier assemblage. On fit de même au bord de la tenture terminant le second assemblage. On fit 50 lacets à la première tenture, et on fit 50 lacets au bord de la tenture terminant le second assemblage, et ces lacets se correspondaient les uns aux autres. On fit 50 agrafes d'or, avec lesquelles on joignit les tentures l'une à l'autre, en sorte que la demeure forma un seul tout. On fit des tentures de poils de chèvre pour former une tente sur la demeure. On fit 11 de ces tentures. La longueur d'une tenture était de 30 coudées, et la largeur d'une tenture de 4 coudées. La dimension était la même pour les 11 tentures. On joignit à part 5 de ces tentures, et les 6 autres à part. On mit 50 lacets au bord de la tenture terminant un assemblage, et on mit 50 lacets au bord de la tenture du second assemblage. On fit 50 agrafes d'airain pour assembler la tente, afin qu'elle formât un seul tout. On fit pour la tente une couverture en peau de bélier teintes en rouge, et une couverture en peau de veau marin par-dessus. On fit aussi les planches pour la demeure, des planches de bois d'acacia posées debout. La longueur d'une planche était de 10 coudées, et la largeur d'une planche était d'une coudée et demie. Il y avait à chaque planche 2 tenons, joints l'un à l'autre. On fit de même pour toutes les planches de la demeure. On fit les planches pour la demeure. 20 planches pour la face du midi, à droite. On mit sous les 20 planches 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche pour ces 2 tenons. Pour le second côté de la demeure, le côté du nord, on fit 20 planches, ainsi que leurs 40 socles d'argent, 2 socles sous chaque planche. On fit 6 planches pour le fond de la demeure, du côté de l'occident. On fit 2 planches pour les angles de la demeure, dans le fond. Elles étaient doubles depuis le bas, formant ensemble un seul tout jusqu'à leur sommet, jusqu'au premier anneau. Ainsi fit-on pour toutes les 2, aux 2 angles. Il y avait ainsi 8 planches, avec leurs socles d'argent, 16 socles, 2 socles sous chaque planche. On fit des traverses de bois d'acacia, 5 pour les planches de l'un des côtés de la demeure, 5 traverses pour les planches du second côté de la demeure, et 5 traverses pour les planches du côté de la demeure qui en forme le fond, vers l'occident. La traverse du milieu s'étendait, le long des planches, d'une extrémité à l'autre. On revêtit d'or les planches, et l'on fit d'or leurs anneaux qui recevaient les traverses, et l'on revêtit d'or les traverses. On fit le voile de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de lin retors. On y représenta des chérubins figurés, ouvrage d'un habile tisseur. On fit pour lui 4 colonnes d'acacia, revêtues d'or, avec des crochets d'or, et l'on fondit pour elles 4 socles d'argent. On fit pour l'entrée de la tente un rideau en pourpre violette, pourpre écarlate, cramoisi et lin retors, ouvrage d'un dessin varié. On fit pour ce rideau 5 colonnes et leurs crochets, et l'on revêtit d'or leurs chapiteaux et leurs tringles. Leurs cinq socles étaient d'airain. Chapitre 37. Bézaleel fit l'arche de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur 1 coudée et demie, et sa hauteur 1 coudée et demie. Il la revêtit d'or pur, en dedans et en dehors, et il y fit une guirlande d'or tout autour. Il fondit pour elle 4 anneaux d'or, qu'il mit à ses 4 pieds, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre. Il fit des barres de bois d'acacia et les revêtit d'or. Il passa les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour la porter. Il fit un propitiatoire d'or pur. Sa longueur était de 2 coudées et demie, sa largeur 1 coudée et demie. Il fit 2 chérubins d'or. Il les fit d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. 1 chérubin à l'une des extrémités et 1 chérubin à l'autre extrémité. Il fit les chérubins sortant du propitiatoire à ses 2 extrémités. Les chérubins avaient leurs ailes déployées vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les faces des chérubins étaient tournées vers le propitiatoire. Il fit la table de bois d'acacia. Sa longueur était de 2 coudées, sa largeur 1 coudée et sa hauteur 1 coudée et demie. Il la revêtit d'or pur et y mit une guirlande d'or tout autour. Il lui fit à l'entour un châssis 1 palme et il fit une guirlande d'or au châssis tout autour. Il fondit pour la table 4 anneaux d'or et il mit les anneaux aux 4 coins qui sont à ses 4 pieds. Les anneaux étaient près du châssis pour recevoir les barres qui doivent porter la table. Il fit les barres de bois d'acacia et les revêtit d'or. Elles servaient à porter la table. Il fit les ustensiles qu'on devait mettre sur la table, ses plats, ses cassolettes, ses coupes et ses tasses pour servir aux libations. Il les fit d'or pur. Il fit le chandelier d'or pur. Il fit d'or battu le chandelier avec son pied et sa tige. Ses calices, ses boutons et ses fleurs étaient d'une même pièce. 6 branches sortaient de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un de ses côtés et 3 branches du chandelier du second de ses côtés. Il y avait sur la première branche 3 calices en fleurs d'amandier, boutons et fleurs, et sur la seconde branche 3 calices en fleurs d'amandier, boutons et fleurs. Il en était de même pour les 6 branches partant du chandelier. À la tige du chandelier, il y avait 4 calices en fleurs d'amandier, avec leurs boutons et leurs fleurs. Il y avait un bouton sous les 2 premières branches partant de la tige du chandelier, 1 bouton sous les 2 branches suivantes partant de la tige du chandelier, et 1 bouton sous les 2 dernières branches partant de la tige du chandelier, selon les 6 branches sortant du chandelier. Ces boutons et ces branches étaient d'une même pièce avec le chandelier. Le tout était une masse d'or battu, d'or pur. Il fit ses lampes au nombre de 7, ses mouchettes et ses vases à cendres en or pur. On employa 1 talent d'or pur pour faire le chandelier avec tous ses ustensiles. Il fit l'autel des parfums de bois d'acacia. Sa longueur était 1 coudée et sa largeur 1 coudée. Il était carré et sa hauteur était de 2 coudées. Ses cornes faisaient corps avec lui. Il le revêtit d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes, et il y fit une guirlande d'or tout autour. Il fit pour lui 2 anneaux d'or au-dessous de sa guirlande sur ses 2 arêtes. Il les fit aux 2 côtés pour recevoir les barres qui servaient à le porter. Il fit les barres de bois d'acacia et les revêtit d'or. Il fit l'huile pour l'onction sainte et le parfum pour l'encensement, composé selon l'art du parfumeur. Chapitre 38. Il fit l'autel des holocaustes en bois d'acacia. Sa longueur était de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. Il était carré et sa hauteur était de 3 coudées. À ses 4 coins, il fit des cornes qui sortaient de l'autel et il le revêtit d'airain. Il fit tous les ustensiles de l'autel, les vases à cendre, les pelles, les bassins, les fourchettes et les brasiers. Il fit d'airain tous ses ustensiles. Il fit à l'autel une grille d'airain en forme de treillis. Il la plaça sous la corniche de l'autel, par en bas, jusqu'à moitié de la hauteur. Il fondit 4 anneaux, qu'il mit aux 4 coins de la grille d'airain, pour recevoir les barres. Il fit les barres de bois d'acacia et les revêtit d'airain. Il passa les barres dans les anneaux, aux côtés de l'autel, pour qu'elles servent à le transporter. Il le fit creux, en planche. Il fit la cuve et sa base d'airain, avec les miroirs des femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente de réunion. Il fit le parvis. Du côté du midi, à droite, les rideaux du parvis, en lin retors, avaient une longueur de 100 coudées, avec 20 colonnes et leurs 20 socles d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté du nord, les rideaux avaient 100 coudées avec 20 colonnes et leurs 20 socles d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Du côté de l'occident, les rideaux avaient 50 coudées avec 10 colonnes et leurs 10 socles. Du côté de l'orient, sur le devant, il y avait 50 coudées. Et il y avait 15 coudées de rideaux pour un côté de la porte, avec 3 colonnes et leurs 3 socles. Et pour le deuxième côté, d'un côté de la porte du parvis comme de l'autre, 15 coudées de rideaux avec 3 colonnes et leurs 3 socles. Tous les rideaux formant l'enceinte du parvis étaient de lin retors. Les socles pour les colonnes étaient d'airain. Les crochets des colonnes et leurs tringles étaient d'argent. Et leurs chapiteaux étaient revêtus d'argent. Toutes les colonnes du parvis étaient reliées par des tringles d'argent. Le rideau de la porte du parvis était un ouvrage de dessins variés, en pourpre violette, pourpre écarlate, cramoisi et lin retors. Sa longueur était de 20 coudées et sa hauteur de 5 coudées, comme la largeur des rideaux du parvis. Ses 4 colonnes et leurs 4 socles étaient d'airain. Les crochets et leurs tringles d'argent, et leurs chapiteaux revêtus d'argent. Tous les pieux pour la demeure et pour l'enceinte du parvis étaient d'airain. Voici le compte des choses qui ont été employées pour la demeure du témoignage. Compte dressé par le soin des Lévites sur l'ordre de Moïse et sous la direction d'Ithamar, fils du grand prêtre Aaron. Bézeléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda, fit tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Il eut pour aide Oliab, fils d'Akissamec, de la tribu de Dan, habile à sculpter, à inventer, à tisser en dessins variés la pourpre violette, la pourpre écarlate, le cramoisi et le fin lin. Total de l'or employé à l'ouvrage, pour tout l'ouvrage du sanctuaire, or qui était le produit des offrandes. 29 talents et 736 cycles, selon le cycle du sanctuaire. L'argent de ceux de l'assemblée qui furent recensés s'élevait à 100 talents et 1775 cycles, selon le cycle du sanctuaire. C'était 1 béka par tête, la moitié d'un cycle, selon le cycle du sanctuaire. Pour chaque homme compris dans le recensement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, soit pour 603 550 hommes. Les 100 talents d'argent servirent à fondre les socles du sanctuaire et les socles du voile. 100 socles pour les 100 talents, 1 talent par socle. Et avec les 1775 cycles, on fit les crochets pour les colonnes. On revêtit les chapiteaux et on les joignit par des tringles. L'airain des offrandes montait à 70 talents et 2400 cycles. On en fit les socles de l'entrée de la tente de réunion, l'autel d'airain avec sa grille d'airain et tous les ustensiles de l'autel, les socles de l'enceinte du parvis et les socles de la porte du parvis, et tous les pieux de la demeure et tous les pieux de l'enceinte du parvis. Chapitre 39. Avec la pourpre violette, la pourpre écarlate et le cramoisi, on fit les vêtements de cérémonie pour le service dans le sanctuaire, et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit l'éphod d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de lin retors. On étendit l'or en lames et on les coupa en fils que l'on entrelaça dans la pourpre violette, la pourpre écarlate, le cramoisi et le fin lin. Ouvrage de dessins variés. On fit des épaulettes pour le joindre, et ainsi il était joint à ses deux extrémités. La ceinture pour attacher l'éphod en passant dessus faisait corps avec lui et était du même travail. Elle était d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de lin retors, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit les pierres d'onyx enchâssées dans des chatons d'or, sur lesquels on grava les noms des fils d'Israël, comme on grave les cachets. On les plaça sur les épaulettes de l'éphod, comme pierre de souvenir pour les enfants d'Israël, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit le pectoral, artistement travaillé, du même travail que l'éphod, d'or, de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi et de lin retors. Il était carré. On fit le pectoral double. Sa longueur était d'un empan et sa largeur d'un empan. Il était double. On le garnit de 4 rangées de pierres, une rangée de sardoine, de topaze, d'émeraude. Première rangée. Deuxième rangée. Une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée. Une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée, une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres étaient entourées de rosettes d'or dans leur garniture. Les pierres étaient selon les noms des fils d'Israël, 12 selon leur nom. Elles étaient gravées comme des cachets, chacune avec son nom, pour les 12 tribus. On fit pour le pectoral des chaînettes d'or pur, tressées en forme de cordon. On fit 2 chatons d'or et 2 anneaux d'or, et on mit les 2 anneaux aux 2 extrémités du pectoral. On passa les 2 cordons d'or dans les 2 anneaux, aux extrémités du pectoral, et l'on attacha les 2 bouts des 2 cordons aux 2 chatons, et on les plaça sur les épaulettes de l'éphod, par devant. On fit encore 2 anneaux d'or que l'on mit aux 2 extrémités inférieures du pectoral, sur le bord intérieur appliqué contre l'éphod. On fit 2 autres anneaux d'or que l'on mit au bas des 2 épaulettes de l'éphod sur le devant, près de l'attache, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On attacha le pectoral par ses anneaux aux anneaux de l'éphod avec un ruban de pourpre violette, afin que le pectoral fût au-dessus de la ceinture de l'éphod, et le pectoral ne pouvait se séparer de l'éphod, comme le Seigneur l'a ordonné à Moïse. On fit la robe de l'éphod, œuvre du tisseur, toute entière en pourpre violette. Il y avait, au milieu de la robe de l'éphod, une ouverture semblable à celle d'une cotte d'armes, et cette ouverture avait un rebord tissé tout autour, afin que la robe ne se déchirât pas. On mit au bord inférieur de la robe des grenades de pourpre violette, de pourpre écarlate, de cramoisi, de lin retors. On fit des clochettes d'or pur, et l'on mit ces clochettes au milieu des grenades, sur le bord inférieur de la robe tout autour, au milieu des grenades. Une clochette et une grenade, une clochette et une grenade, sur le bord de la robe tout autour, pour le service, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit les tuniques de lin, œuvre du tisseur, pour Aaron et pour ses fils, la tiare de lin, et les mitres de lin servant de parure, les caleçons blancs de lin retors, la ceinture de lin retors, en pourpre violette, en pourpre écarlate et en cramoisi, damassé, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. On fit d'or pur la lame, diadème sacré, et l'on y grava comme on grave sur un cachet, sainteté au Seigneur. On l'attacha avec un ruban de pourpre violette pour la placer sur la tiare, en haut, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage de la demeure, de la tente de réunion. Et les enfants d'Israël exécutèrent tout selon ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Ils firent ainsi. On présenta la demeure à Moïse, la tente et tous ses ustensiles, ses agrafes, ses planches, ses traverses, ses colonnes et ses socles, la couverture de peau de bélier teintes en rouge, la couverture de peau de veau marin et le voile de séparation, l'arche du témoignage avec ses barres et le propitiatoire, la table avec tous ses ustensiles et les pains de proposition, le chandelier d'or pur, ses lampes, les lampes à y ranger, tous ses ustensiles et l'huile pour le luminaire, l'autel d'or, l'huile d'onction et le parfum pour l'encens, ainsi que le rideau pour l'entrée de la tente, l'autel d'airain, sa grille d'airain, ses barres et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les rideaux du parvis, ses colonnes, ses socles, la tenture de la porte du parvis, ses cordages et ses pieux, et tous les ustensiles pour le service de la demeure, pour la tente de réunion, les vêtements de cérémonie pour le service du sanctuaire, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron, et les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce. Les enfants d'Israël avaient fait tout cet ouvrage conformément à tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse. Moïse examina tout l'ouvrage, et voici, il l'avait exécuté. Il l'avait fait comme le Seigneur l'avait ordonné. Et Moïse les bénit. Chapitre 40. Le Seigneur parla à Moïse en disant : Le premier jour du premier mois, tu dresseras la demeure, la tente de réunion. Tu y placeras l'arche du témoignage, et tu couvriras l'arche avec le voile. Tu apporteras la table, et tu y disposeras ce qui doit la garnir. Tu apporteras le chandelier, et tu poseras dessus ses lampes. Tu placeras l'autel d'or pour le parfum devant l'arche du témoignage, et tu mettras le voile à l'entrée de la demeure. Tu placeras l'autel des holocaustes devant l'entrée de la demeure, de la tente de réunion. Tu placeras la cuve entre la tente de réunion et l'autel, et tu y mettras de l'eau. Tu dresseras le parvis à l'entour, et tu mettras la tenture à la porte du parvis. Tu prendras l'huile d'onction, tu en oindras la demeure et tout ce qu'elle renferme. Tu la consacreras avec tous ses ustensiles, et elle sera sainte. Tu oindras l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. Tu consacreras l'autel, et l'autel sera très saint. Tu oindras la cuve avec sa base, et tu la consacreras. Tu feras avancer Aaron et ses fils près de l'entrée de la tente de réunion, et tu les laveras avec de l'eau. Puis tu revêtiras Aaron des vêtements sacrés, tu l'oindras et tu le consacreras, et il sera prêtre à mon service. Tu feras approcher ses fils, et, les ayant revêtus des tuniques, tu les oindras comme tu auras oint leur père, et ils seront prêtres à mon service. Cette onction leur conférera le sacerdoce à perpétuité parmi leurs descendants. Moïse fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. Il fit ainsi. Le premier jour du premier mois de la seconde année, la demeure fut dressée. Moïse dressa la demeure. Il en posa les socles, il en plaça les planches et les traverses, en dressa les colonnes. Il étendit la tente sur la demeure, et mit par-dessus la couverture de la tente, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il prit le témoignage et le plaça dans l'arche. Il mit les barres à l'arche et posa le propitiatoire au-dessus de l'arche. Il porta l'arche dans la demeure, et, ayant mis le voile de séparation, il en couvrit l'arche du témoignage, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la table dans la tente de réunion, au côté septentrional de la demeure, en dehors du voile, et il y disposa les pains devant le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le chandelier dans la tente de réunion, vis-à-vis de la table, au côté méridional de la demeure, et il y posa les lampes devant le Seigneur, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça l'autel d'or dans la tente de réunion, devant le voile, et il y fit brûler l'encens, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça le rideau à l'entrée de la demeure. Il plaça l'autel des holocaustes à l'entrée de la demeure, de la tente de réunion, et il y offrit l'holocauste et l'oblation, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il plaça la cuve entre la tente de réunion et l'autel, et il y mit de l'eau pour les ablutions. Moïse, Aaron et ses fils s'y lavèrent les mains et les pieds. Lorsqu'ils entraient dans la tente de réunion et qu'ils s'approchaient de l'autel, ils se lavaient, comme le Seigneur l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour de la demeure et de l'autel, et il mit la tenture à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva cette œuvre. Alors la nuée couvrit la tente de réunion, et la gloire du Seigneur remplit la demeure. Et Moïse ne pouvait plus entrer dans la tente de réunion, parce que la nuée restait dessus, et que la gloire du Seigneur remplissait la demeure. Tant que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient lorsque la nuée s'élevait de dessus la demeure. Et si la nuée ne s'élevait pas, ils ne partaient pas, jusqu'au jour où elle s'élevait. Car la nuée du Seigneur reposait pendant le jour sur la demeure, et, pendant la nuit, il y avait du feu dans la nuée, aux yeux de toute la maison d'Israël, tant que durèrent leurs marches.